Merci d'avoir choisi la radio Isanganiro et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les titres. Le Sénat du Burundi a approuvé ce jeudi la nomination de 5 gouverneurs chargés de diriger les 5 nouvelles provinces issues du redécoupage administratif. À la suite d'un drame survenu en début de semaine, 6 personnes accusées de sorcellerie ont été tuées par leurs voisins. Maître Simon Sibomana, juriste, s'est exprimé sur les causes de la justice populaire au Burundi. Selon lui, l'impunité et la perte de confiance envers les autorités locales en sont les principaux moteurs. Des habitants de Gasenyi, en commune Nahangwa, réclament une électricité fiable malgré les nouveaux barrages. Restez à l'écoute pour plus de détails. À la présentation, vous êtes avec Ornella Mucho. Ouvrons ce journal par la page politique. Ce jeudi, le Sénat du Burundi a approuvé la nomination de 5 nouveaux gouverneurs pour diriger les 5 nouvelles provinces du pays. Parmi les personnes désignées figurent Bigirimana Liboire, ancien porte-parole du ministère de l'Éducation, qui prendra la tête de la nouvelle province élargie de Gitega. La province de Butanyerera sera dirigée par le général de brigade de police Segasago Victor, ancien gouverneur de Kirundo. La province élargie de Burunga sera gouvernée par Parfait Mbonimpa, ancien député, l'ancien directeur général de la Susumu. Le général-major Aloïse Ndaikengurukiye dirigera la province élargie de Bujumbura. Enfin, la province de Burumuza sera confiée à Denise Daruhekeye, ancienne conseillère du gouverneur de Muyinga. Poursuivons ce journal par la page Société. Certains des habitants de la mairie de Bujumbura dénoncent les comportements de certaines personnes qui tentent de se rendre justice elles-mêmes, notamment dans des affaires liées à des accusations de sorcellerie. Interrogés au micro de la radio-télévision Isanganiro, ces citoyens estiment que ceux qui soupçonnent autrui de sorcellerie devraient plutôt saisir la justice au lieu de prendre des mesures violentes. Cette réaction fait suite à un drame survenu en commune Nyabiraba, zone Nyabibondo, colline Gasagara, où 6 personnes ont été brûlées par leurs voisins qui les accusaient de sorcellerie. Pour ses habitants, la justice populaire ne fait qu'aggraver les tensions et un recours aux autorités judiciaires reste l'unique voie légale et civilisée. Suivez-les. Lorsqu'un individu est seulement soupçonné, il convient de le remettre aux autorités compétentes, qui sont les juges, et elles seules peuvent décider de sa culpabilité. À l'absence de preuves suffisantes, accuser quelqu'un à partir de simples soupçons, sans éléments matériels, constitue une violation de droit. Les personnes ayant des doutes sur les agissements d'autrui doivent porter plainte et non se substituer à la justice. Après une enquête sérieuse de la justice, il pourra prononcer un jugement impartial. À mon avis, le gouvernement devrait veiller de près les personnes qui s'entretuent en s'accusant de sorcellerie. Ces actes doivent être éradiqués et ce, premièrement par la justice. Cependant, il ne faut non plus accuser quelqu'un de sorcellerie sans aucune preuve. Les personnes qui tuent d'autres en les accusant de sorcellerie doivent être sévèrement punis. La sorcellerie, fondée sur des croyances et non sur des preuves concrètes, ne peut justifier de tels actes. Tuer quelqu'un sur base de simples soupçons constitue une grave injustice. C'est pourquoi ces crimes ne doivent pas rester impunis et les autorités compétentes doivent prendre position et agir fermement. L'impunité, l'inefficacité du système judiciaire et le manque de confiance envers les autorités locales figurent parmi les causes récurrentes de la justice populaire, selon Maître Simon Sibomana, homme de droit. Pour Maître Sibomana, il est crucial de sensibiliser la population aux conséquences graves de la justice populaire. Il appelle également à une prise de conscience des acteurs du secteur judiciaire afin que les responsables soient traduits en justice pour lutter contre contre l'impunité et rétablir la confiance envers les institutions. Les causes du recours à la justice populaire peuvent être multiples. Ici, je citerai au moins trois. Un sentiment de frustration de la population qui peut résulter d'une inefficacité du système judiciaire. Le résultat, c'est généralement celui-là. Deuxième élément, c'est un sentiment d'injustice ou d'impunité. Lorsque les gens constatent que les criminels ne sont pas punis, lorsqu'ils constatent qu'ils s'adressent aux autorités judiciaires, les doléances ne sont pas prises en considération. Ça peut aussi constituer la source du recours à la justice populaire. Je dirais aussi une absence de confiance dans les autorités. Ça peut toujours être les autorités judiciaires, mais aussi ça peut être les autorités administratives. Ça peut aussi être des autorités au niveau des corps de défense et de sécurité qui ne remplissent pas correctement aussi leur rôle, constituent aussi une source du recours à la justice populaire. Ce qu'il faudrait faire, c'est un travail de sensibilisation, d'abord à l'endroit des populations pour les faire comprendre les effets néfastes dans tel système, parce qu'au final, ce ne sont que des soupçons. Peut y avoir des personnes avec qui tu n'es pas en bon terme et pour facilement régler le compte avec vous, vous accusent de n'importe quoi et on est liquidé sur le champ, donc sans enquête préalable. Deuxièmement, c'est une prise de conscience des acteurs judiciaires. Il faut que le système judiciaire fasse correctement son rôle pour essayer de restaurer la confiance au niveau de la population, mais aussi au niveau des autorités administratives, mais aussi au niveau des corps de police pour essayer d'endiguer le phénomène. Le parquet d'Omukaza a entamé ce jeudi des instructions judiciaires concernant l'agression subie par journaliste de la radio Bonesha FM, Willy Kwizera, sur le campus Mutanga de l'université d'Iburundi. Était prévu que la personne qui l'aurait agressé soit également entendue à 10h, conformément à sa convocation toutefois à 10h20. Celle-ci ne s'était toujours pas présentée selon les informations recueillies sur place. L'intéressé se serait présenté ce mercredi, mais n'a pas été entendu car le rendez-vous était fixé pour ce jeudi. Pour rappel, Willy Kwizera a été tabassé le 28 avril de cette année par 6 étudiants alors qu'il menait une enquête sur les conditions de vie des étudiants de cette université. Une fois l'instruction achevée, toutes les parties entendues, une décision sera prise afin de déterminer si l'affaire doit être transférée devant un tribunal pour être jugée au fond. Revenons sur la page société. Certains habitants du quartier Gasenyi en commune Nahangwa s'interrogent sur les raisons des perturbations dans la fourniture du courant électrique. Ils expriment leur frustration face aux services irréguliers assurés par la régie des eaux, alors que de nouveaux barrages comme celui de Djidji Mulembe ont récemment vu leur capacité énergétique augmenter. Ces citoyens déplorent les coupures intempestives qui entravent leurs activités quotidiennes. Ils appellent la régie des eaux à prendre des mesures concrètes pour remédier à cette situation et garantir une distribution électrique fiable. Suivez-le. Des fois, ces coupures de courant causent des dégâts dans nos maisons. Si nos appareils sont branchés, ils sont endommagés à cause du courant. Les maisons aussi sont des fois emportées. Chez moi, il y a des enfants qui sont en train de faire des repêchages, mais ces coupures ne leur facilitent pas la tâche. On croyait qu'ils avaient trouvé une solution à ce problème en augmentant cette production, mais nous faisons toujours face à ces coupures de courant. Ces coupures se passent plusieurs fois par semaine. Il ne se passe pas une seule journée sans qu'il n'y ait pas de coupure et on peut passer même 2 heures ou 1h30. Nos machines sont endommagées. Nous faisons notre travail tant bien que mal. Ils nous ont dit avoir augmenté la production, mais nous ne pouvons pas l'affirmer jusqu'à maintenant car nous faisons toujours face à ces coupures. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne nous fournissent pas en électricité, comme promis. Et la production qu'ils nous donnaient a chuté. Cela s'empire. Je ne sais pas si cela est dû au fait que le barrage est arrêté. Ici, on ne nous fournit pas le courant électrique à notre guise. Nous pouvons passer 3 à 4 heures sans. Nos marchandises qui se trouvent dans le frigo sont souvent endommagées. Ce que je demande à la régie des eaux, c'est qu'on soit fourni toute la journée et le soir. Ils trouvent la raison de ces coupures pour que nous puissions continuer à vivre dans des endroits éclairés. Qu'ils nous expliquent ce qui se passe, ou bien qu'ils nous fournissent en courant comme avant. Le pays ne peut pas avancer sans courant électrique. Nous devons travailler pour avoir de quoi payer l'impôt. Mais si nos machines ne fonctionnent pas, on ne peut pas le faire. Nous demandons aux autorités de fournir des efforts pour que nous ayons assez de courant. Sur ce, l'Agence des eaux promet de s'exprimer dans nos prochaines éditions. Avant de mettre fin à ce journal, rendons-nous à Rumonge. Les habitants de la ville de Rumonge, dont les activités dépendent du courant électrique, espèrent que les coupures répétitives vont enfin prendre fin. Cette attente s'est intensifiée après l'inauguration le 24 juin 2025 de la centrale hydroélectrique d'Oujiji, dont les travaux ont duré environ 6 ans. Ces citoyens souhaitent également une accélération des travaux d'aménagement de la centrale hydroélectrique de Mulembe, incluse dans le même projet, afin qu'elle commence à produire de l'électricité dans les meilleurs délais. Le point avec Jean-Pierre Misago. Environ 6 ans après le lancement officiel des travaux de construction, Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, a inauguré la centrale hydroélectrique de Jiji fin juin 2025. Il s'agit là de 32,5 MW s'ajoutant au réseau électrique burundais, totalisant ainsi 118 MW selon le président burundais. Certains parmi ceux exerçant des activités nécessitant du courant électrique dans la ville de Rumonge s'en réjouissent, espérant que c'est une voie sûre menant à la fin des coupures intempestives de courant électrique actuellement observées et paralysant fréquemment les activités. Il voudrait l'accélération des travaux de construction de la centrale de Mulembe d'une puissance installée de 17 MW afin que cette puissance s'ajoute au réseau électrique burundais et ainsi faciliter la tâche à ceux demandant le déraccordement électrique. Les travaux de construction de ces deux centrales hydroélectriques d'une puissance combinée de 49,5 MW et distante de 3,75 km ont été lancées officiellement le 23 septembre 2019 et devraient durer 35 mois pour la centrale de Jiji et 42 mois pour la centrale Mulembe, exécutée par deux entreprises de construction CMC italienne et Orascom égyptienne. Et selon ces prévisions, les deux centrales devraient déjà produire de l'électricité en mai 2023. Le ministre ayant l'énergie dans ses attributions de l'époque avait déclaré que ce projet venait plus que doubler l'offre nationale en électricité qui n'était que de 32 MW. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge pour la Synergie des médias. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi à la présentation. Vous étiez avec Ornella Mucho.